C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Le sept grand mystère de notre je suis. Oh, Ezali, ma bonne famille. Voli Bible, tout en anaïnom. Exode 3, verset 13 à 14. Moïse a tout na qui n'en zambé moqueli. Aotininga et Baba en Israël. Soki mangoba tuninga koloé. Nana tininga wana na loba ni nangoye. Zambé nangai, nobe langa. Na mose loba na bango nazali oyo nazali soki bango batuni yo mose yebisa bango je suis m'envoyé. Moïse akotaki na kati ya confusion ayebite je suis nde nani kasi Yesu ntango aye kokoma abandi kodetaye tina ya je suis boyo bango ya solo. Justice verset 35. Yesu alobi, je suis le père de vie, yaya. Oye to vivant, c'est la nabomo. Ni panabomo, Yesu zali, c'est la yasolo. Jaouit verset 12. Alobi, je suis la lumière du monde. Oye to vivant, c'est la nabomo. On est à Mokili. Yesu zali, c'est la yasolo. Jadis verset 9. Yesu alobi, moi je suis la porte. Et pour qu'elle bataille, jadis verset 11. Je suis le bon berger, je suis le bon berger, yaya. Bataille en solo. Jean 11, verset 25. Alors, je suis la résurrection et la vie, je suis. C'est quoi faire, bon mot? Je suis le Jean 14, verset 6. Yesu alobi, moi je suis le chemin. C'est là, y'a solo. Jean 15, verset 1. Yesu alobi, je suis la vraie vigne. Moi y'a tout dit, y'a solo. Nandi misami, Yesu azali, nzambe. Moi y'a bimé la ki, moi c'est là, y'a solo. L'éternité, Oto Bengi Elohim, Dieu le Créateur, Jésus-Christ le véritable. Comme tu m'as ni à Baba, si quoi ta couva, du bout à tes soirs. Comme tu m'as ni à Zamou, c'est quoi Shida, Zamata Kimia. Come to my knee, pastor. Si kwa ta choka, uta cha kanisa. Come to my knee, banki. Si kwa ta fungwa, uta liya. Si mtu my knee, mtu, mtu ni mtu, ike uke u. Hata katika bonde la kivuli cha mauti hatupungukiwe na kitu. Hata katika shamba la mapambano la vita kali, ikiwa tumezungushwa na maadui pande zote, hatuogope kitu, kwani Yesu Kristo mchungaji na mlinzi wa maisha yetu. Anatukinga hapa duniani na hata nyuma ya kifo, atatupa uzima wa milele. Haleluya! Yesu ni Mungu na anabaki Mungu. Je suis un homme qui a été un homme. waje wakaonde waje waonde ukubwa wangu walisema utaoa wendo waite ndoa ya ajabu wewe waje waonde ukubwa wangu Mungu wa mama Viki Wada amebaki Mungu milele waje waonde ukubwa wangu kuja kwisa waku ya komi monela waje waone ukubwa wangu Kumbila seye oya bikisaka Kumbila seye oya bikisaka Kumbela ye oya bundelaka Manga kaleta shikamana na Yesu yeye ni mulinzi Yesu ndiye mulinzi wa kweli ukatumainia jeshi siku ya vita jeshi atageuka Yesu ndiye mulinzi wa kweli tumtumainie Yesu yeye ni Mungu milele na milele Azalakate.